Lettre 76e, Marcius Alpinus à Scribonius. Nicomédie, mars 303. Oui, Scribonius, je suis à Nicomédie. Galerius a reconnu enfin qu'il ne pouvait se passer de mon génie actif dans une époque de son règne aussi intéressante, et qu'un guerrier aussi ignorant que lui a toujours besoin des secours d'un homme qui connaît le monde aussi bien que ton ami. Je suis donc de réchef en haute faveur auprès de lui. Tout va bien, et pour le moment, les hautes idées de Constantin pourront se modérer. Dioclétien, qui croyait devoir le protéger contre Galerius, n'aura bientôt plus de pouvoir. Ce dernier est venu à bout de lui persuader qu'une abdication volontaire était le seul moyen de sortir du labyrinthe dans lequel l'on jetait son système insensé de tolérance et les sages et sévères mesures de César. L'empereur d'Occident suivra son exemple. L'univers s'effraiera ou rira de cette comédie, suivant ses divers intérêts. Après l'abdication de Maximien, Constantin, par droit de naissance, devrait monter sur le trône, et Constance devenir empereur d'Occident. C'est un adversaire dangereux pour Galerius. Au reste, la santé de Maximien, qui décline chaque jour, retardera peut-être tous ces changements importants. Mais s'il vit trop longtemps, Galerius a des moyens d'aplanir les difficultés. L'or et la puissance parviennent toujours à leur but. Constantin restera seul, et quel que soit son désir de régner et sa témérité, il doit succomber lorsque son ennemi occupera la première place. Le combat deviendra alors trop inégal. Mais nous n'en sommes pas encore là, et je tremble de ce qui peut arriver. Une année, et peut-être plus, peut s'écouler avant que Dioclétien se décide d'abdiquer. Il n'a point encore été à Rome, et il veut s'y rendre pour y célébrer son triomphe. Mon avis est de ne rien précipiter, de peur de tout perdre et de voir nos plans s'écrouler. Tu vois donc que la fortune me sourit encore. J'étais cependant contrarié dans un de mes projets. À présent, j'en forme un autre que je ne laisserai pas échapper. Tu sais que la dévote Larissa avait disparu de Nicée précipitamment lorsque le titre de chrétienne et de protégée de Lysias allait la mettre en mon pouvoir. J'aurais feint un ordre particulier de l'arrêter, et certes, je ne lui aurais pas rendu sa liberté sans qu'elle l'eût acheté, sans que j'eusse obtenu ce que je voulais. Quelle facilité n'avais-je pas, au moins, de la faire paraître coupable au nom du monde entier et à elle-même? Elle eût été perdue à jamais pour son Agathoclès, mais elle m'échappa sans qu'il me fût possible de découvrir le chemin qu'elle avait pris. Enfin, à force de peine, j'appris que le vieux prêtre chrétien qui l'avait accompagné à Nicée était parti pour Nicomédie et qu'une femme était avec lui. Il me parut plus que vraisemblable que cette femme était Théophanie et qu'elle était ou avait été à Nicomédie. Mais toutes mes recherches pour découvrir sa demeure et sa situation furent infructueuses. Pendant ce temps-là, le jour fixé pour la destruction des chrétiens arriva. Agathoclès, qui s'était déjà refusé précédemment d'agir contre ses frères, car ce transfuge est de cette secte, Agathoclès, fanatique comme le sont toujours les néophytes, se montra leur défenseur. Il fut victime de sa folie, et ses soldats le transportèrent à demi-mort dans une maison hors de la ville, où plusieurs veuves chrétiennes vivent dans l'oisiveté. Dès que j'appris cette circonstance, j'eus l'idée que c'était un moyen de retrouver ma fugitive. J'espérais que s'il était impossible de découvrir son domicile, le danger de son ami l'engagerait à quelques démarches imprudentes dont je pourrais tirer parti. Je résolus de veiller autour de cette maison et de faire attention à tout ce qui en sortirait ou y rentrerait. Dès le second soir, pendant que j'étais à mon poste d'observation, il était déjà nuit, je vois sortir un jeune homme d'une taille déliée, un manteau jeté sur son épaule, un capuchon sur sa tête. Il marchait d'un pas précipité, suivi d'un vieillard. La tournure de ce jeune homme, le son de voix doux et mélodieux que j'entendis lorsqu'il dit quelques mots à son compagnon, me firent soupçonner que c'était Théophanie qui s'était travestie de cette manière pour venir visiter son ami blessé. La nuit était trop obscure pour discerner ses traits. Je la suivis pas à pas, mais je la perdis de vue sous la porte de la ville où une quantité de monde était rassemblée. Elle s'échappa dans la foule, et je ne pus voir ce qu'elle était devenue. Je ne m'en consolais que par l'espoir d'être plus heureux le lendemain. À peine pus-je modérer mon impatience. Dès que le crépuscule du soir parut, je retournai près de la maison des veuves, et je n'y fus pas longtemps sans voir arriver le beau jeune homme et le vieil esclave. Ils passèrent très près de moi en parlant bas. Je reconnus distinctement une voix de femme, mais sans comprendre ce qu'elle disait. Elle entra dans la maison et resta plus d'une heure. J'eus la patience d'attendre qu'elle en sortît et de la suivre comme le soir précédent, mais sans la perdre de vue un instant. Arrivé dans la ville, après avoir parcouru plusieurs rues, je les vis entrer dans une petite maison obscure. Après avoir encore attendu quelque temps, je jugeai que c'était sa demeure. Je m'informai des habitants de cette maison. Elle appartient à un marchand chrétien, chez lequel les membres de cette secte se rassemblent pour leur culte depuis la destruction de leur temple. Cela me confirma que je n'étais pas trompé dans mes conjectures et que c'était bien la pieuse Théophanie qui partageait sa vie entre le service de son Dieu et celui de son amant. Je vis entrer successivement dans cette maison des personnes de différents âges qui s'y introduisaient mystérieusement. Je m'occupais avec délice de l'exécution d'un nouveau plan pour anéantir ces rassemblements coupables et pour me saisir de Théophanie. La nuit s'avançait. Personne ne venait plus. J'entendis fermer la porte intérieurement, et jugeant qu'elle ne ressortirait pas, je retournai chez moi méditer ma vengeance et mon rapt. Je ne fermais pas l'œil de toute la nuit, tant l'impatience m'agitait. Je résolus d'aborder sans façon Théophanie dans quelque rue détournée, et de profiter du premier instant de surprise pour l'emmener s'il m'était possible. Je ne redoutais pas son vieux compagnon, qu'il était facile d'écarter. Rempli de cet espoir, je vais l'attendre avant l'heure accoutumée de sa visite pour ne pas la manquer. Elle aussi était venue plus tôt qu'à l'ordinaire. Je la rencontrai pas loin de la maison, accompagnée cette fois de deux esclaves, ce qui me fit présumer qu'elle s'était aperçue qu'on l'observait. Elle marchait très vite. Je l'examinai attentivement, la nuit n'étant pas encore obscure, et je fus convaincu que c'était une femme. Elle me paraissait plus petite que Théophanie, mais l'habit d'homme produit cet effet. Et dès que nous fûmes dans une rue solitaire, je passai rapidement entre elle et les esclaves qui la suivaient à quelques pas. Je lui pris la main, et je lui adressai la parole en la nommant par son nom de Larissa, et point par celui de Théophanie. Je voulais l'effrayer, en lui découvrant tout à coup que je connaissais toutes ses ruses et tous ses déguisements. Je ne sais ce que je lui dis, mais au nom de Larissa, le joli jeune homme jeta un cri d'étonnement, fit un mouvement de vive surprise, en répétant « Larissa ». Le capuchon retombe et juge de ma surprise à moi-même quand, au lieu de ma jolie dévote, je vois la belle des belles, la séduisante et légère Calpurnie Pisona, la fille du proconsul. Elle me parut consternée de se voir découverte, mais se remettant bientôt et me reconnaissant aussi, elle voulut reprendre avec moi son ancien ton d'orgueil et de dédain. Mais cette fois, elle ne réussit pas à intimider un homme qui la rencontrait à une heure aussi indue et sous un tel habit. Elle sentit combien elle avait besoin de mon silence et devint plus traitable. Elle avait envie aussi de savoir comment j'avais pu la prendre pour une femme qui depuis longtemps n'existait plus. Je la détrompai à cet égard, et la nouvelle de l'existence de Larissa sous le nom de Théophanie fut pour elle un coup de foudre. Je le remarquai et j'en tirai parti. Je lui racontai bien des choses de l'amour constant d'Agathoclès pour Larissa, de celui de Larissa pour lui, et de la persuasion où j'étais qu'elle vivait à Nicomédie en secret, et peut-être dans la maison même des veuves. Elle ne disait rien et soupirait en silence. Je la quittai devant la porte de sa maison, en lui disant que je lui promettais le secret sur cette rencontre, si à son tour elle voulait consentir de renouveler notre connaissance et de me recevoir chez elle. Elle sentait trop bien qu'elle était actuellement en mon pouvoir pour oser me refuser. Elle doit redouter plus que la mort mon indiscrétion sur son imprudente démarche, et je veux profiter de cette crainte pour renouer avec elle. La faveur et les richesses de son père, jointes à sa beauté, en font un parti très convenable pour moi. Ce mariage ne m'empêchera pas de suivre mon plan pour Larissa ou Théophanie. J'ai appris depuis 2 jours que mes suppositions ne sont point fausses, qu'elle est dans la même maison où Agathoclès fut transporté, qu'ils se sont reconnus et que leur ancienne liaison est renouée. Ainsi, sans le savoir, je disais la vérité à Calpurnie. Je ne voulais que l'irriter contre Agathoclès par cette supposition, mais à présent que je sais que c'est une réalité, j'en suis encore plus irrité qu'elle. Je sens que Théophanie me tient 1000 fois plus au cœur que la belle Calpurnie. Il faut absolument que je vienne à bout de les enlever toutes les deux à cet odieux chrétien, et s'il survit à ses blessures, J'ai formé un plan qui lui fera regretter de n'y avoir pas succombé. En attendant, je ne veux pas négliger le certain pour l'incertain, et puisqu'un heureux hasard a jeté Calpurnie sur ma route, je ne laisserai pas échapper le bonheur que m'offre la fortune. Adieu. Dans peu de temps, tu apprendras que ton ami est le gendre du proconsul et l'amant heureux de Théophanie.